喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 用年轻的心演绎古典，古典中的流行 Pops 音乐。 Alas, my love, 北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天3点15点播出。 And I have loved you so long, my love, my lady green sleeves。 欢迎收听 Pops 音乐，我是古月。今天带来的是法国天使之音合唱团演唱的歌曲，曲目有《我没有时间》《甜蜜的歌》《掉头》《和你一样》《弟弟》《白色的圣诞节》《想象》《猜》《穿过季风》《人人都想去天堂》。 Car ta peau est douce. douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La la la la. Out of your head. toute l'heure et la robe en velours à côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Mais quand on regarde le monde, il nous paraît tellement grand. Nos rêves à chaque seconde s'envolent alors au gré du vent. voir avec toi faire bouger ce monde d'infortune où plus rien ne va. Les hommes brûlent la terre et ils sèment le vent pendant que nous on espère. 线频道，调频98.6兆赫，每天3点、15点播出。 And I have loved you so long, my love, my lady Greensleeves。 欢迎收听 Pops 音乐，我是古月。接下来请欣赏一组跨界音乐，曲目有马克西姆演奏的《野蜂飞舞》，陈美演奏的《赋格》，理查德·克莱德曼演奏的《给艾德琳的诗》，肯尼迪演奏的《左岸咖啡广告曲》，柏林爱乐12把大提琴演奏的《猫王》的歌曲《温柔的爱我》，欧文与史考特双小提琴演奏的《帕赫贝尔》，卡努杨·提尔森的《天使爱美丽》电影主题曲等作品。